لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد في الجمعة الماضية تحدثنا عن غزوة خيبر ولم ننتهي منها بعد وإن شاء الله تعالى قبل هذه الليلة ننتهي من ذكر قصتها وبعض أحكامها وبالله التوفيق. La semaine passée, nous avons étudié la ghazwa de Khaybar. Et nous n'avons pas fini cette histoire, on va donc continuer et la finir inshallah ta'ala. Et nous wasalna, on s'est arrêté sur quel passage la semaine passée? Non. طيب donc pour l'ouverture de Khaybar, Marhab, l'une des têtes de Khaybar, est sorti de sa forteresse afin de défendre ses habitations. Et Amir, l'oncle de Salama ibn al-Aqwa, radiallahu anhuma, est sorti à sa rencontre. Et dans un premier temps, Amir, radiallahu anhu, a désarmé Marhab. Il l'a touché. Mais au final, alors que Amir, radiallahu anhu, a tenté de le toucher de son épée sur sa partie inférieure, il s'est blessé lui-même, se toucha avec sa propre épée, ce qui a permis à Marhab de le tuer par la suite. Il est donc décédé durant cette bataille. Puis, le cavalier du prophète alayhi salatu wassalam a eu par la suite le dessus sur sa personne. Et le prophète alayhi salatu wassalam, auparavant, avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Et les compagnons avaient pour habitude ou avaient remarqué qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation invoquait la miséricorde d'Allah ou le pardon d'Allah sur un de ses compagnons, il décédait des suites de ce combat. Au final, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib. Et son envoi à une qissa. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la u'tiyanna ar-rayata gadan, j'accorderai l'étendard demain, rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son message. Yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Allah l'aime, son messager l'aime. Yaftahu Allah ala yadayk. Et Allah lui accordera, yani Allah ouvrira par sa cause. Il lui accordera le dessus et vaincra sur Khaybar. Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit « Ma ahbabtu l'imarata illa l'yom » Omar ibn Khattab a dit, je n'ai jamais aimé diriger, avoir la responsabilité, si ce n'est ce jour-là. Hani, lorsqu'il a entendu ses éloges, lorsqu'il a entendu que celui qui recevra l'étendard est un homme recevant cette thèse qui a cette grande valorisation, Allah l'aime, subhanahu wa ta'ala, son messager l'aime, sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab dit, c'est le seul jour où j'ai aimé, où j'aurais aimé recevoir le commandement. Le lendemain, ils se sont tous présentés, au point où l'un d'entre eux tentait de paraître plus en évidence. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aïna Ali ibn Abi Talib. Où est Ali ibn Abi Talib? On lui a dit qu'il se plaint d'une douleur, d'une maladie aux yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, appelez-le. Il est venu porté par as-sahaba ou aidé par as-sahaba. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur, a poussillonné dans ses yeux et lui a donné des recommandations, lui a donné l'étendard et lui a dit de se rendre à Khayba, ou plutôt de se diriger vers leur forteresse. Et il lui a dit, La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Il lui a dit que par ta cause, Allah guide une seule personne, c'est-à-dire à l'islam, cela est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Les chamelles rousses étant la richesse la plus prisée ou des plus prisées chez les Arabes à l'époque. Et il l'a appelé, ou il lui a dit de les inviter à la ilaha illallah. Il lui a dit de les inviter à la ilaha illallah. Et dans cela, il y a un grand enseignement dans la prédication. Et dans le choix du prédicateur. Et dans la connaissance de l'état de ceux qui vont recevoir cette prédication. Donc dans la da'wa, il faut la personne adéquate qui connaît le sujet à traiter, qui a étudié, qui a donc de quoi transmettre. Deuxièmement, il faut que ce prédicateur-là connaisse ceux qu'il va inviter à l'islam ou à la sunna. Et troisièmement, il faut ce qu'ils appellent al-awlawiyat, al-taqdimu al-aham fal-aham ou al-aham fal-muhim. Le fait de commencer par la chose la plus importante vers l'importante. Donc tu commences à appeler au tawhid, à la purification de la croyance. Si ceci est reconnu et accepté, alors tu passes à la salat. Si ceci est reconnu et accepté, alors tu passes à la zakat. Puis al-siyam, puis al-hajj. Quant au fait de commencer par les actions ayant de grands mérites, les actions non obligatoires et les comportements aux dépens de la prédication tawhid et de la pureté de la croyance et de la mise en garde contre le polythéisme, ceci est une erreur gravissime dans la manière de prêcher et d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nombreux sont les versets et les hadiths qui nous montrent cela de la manière la plus explicite. Dans le Coran, dans Surat al-Fatiha, nous trouvons « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. On trouve ensuite dans Surat al-Baqarah le premier ordre du Coran. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. On trouve dans le Coran le premier interdit, Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Et n'assignez donc pas Allah des égaux alors que vous savez. Et on trouve dans le Coran que le prêche de l'ensemble des prophètes et messagers était cela. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jtanibu at-taghut. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Et dans sourate Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager si ce n'est en lui révélant nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté moi, adorez-moi donc. Donc ça, c'est le prêche de tous les prophètes et de tous les messagers. C'est le prêche de tous les prophètes et de tous les messagers. Et ça ne suffit pas de mentionner ce sujet une fois. Mais il faut le traiter et lui accorder la plus grande importance. Que ce soit la base, le milieu, le tronc, la finalité, la tête de ton prêche. Non pas que tu ne vas pas traiter les autres sujets, al-fiqh, ou bien usul al-fiqh, ou bien al-mustalah, ou bien sira. Non. Personne parmi les savants dit cela. Non. Mais que tu dois commencer par cette base. Et tant que cette base n'est pas reconnue, il n'y a pas de bien à passer à autre chose. Car sans cette base, non, Allah n'acceptera pas les actions de ses serviteurs. Si ça n'est pas basé sur la sincérité. Car Allah nous dit dans le Coran, « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Et s'ils nous donnaient des... ou bien s'ils avaient commis le polythéisme, toutes leurs actions seraient vaines. Toutes leurs actions seraient vaines. « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا » Allah Azza wa Jalla yawmal qiyamah fera venir les actions de ceux qui ont commis le shirk et tout cela deviendra poussière éparpillée. Donc si tu veux voir tes actions et leur profit ou bien le bénéfice de ces actions, il te faut accorder beaucoup d'importance à cette base, la consolider, la développer, et cela tout au long de ta vie. Et même après la mort, la personne est questionnée sur cette base et on lui dit man rabbuk. Aussi la personne doit concrétiser l'ittiba, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi elle concrétise le premier pilier de l'islam, الشهاده لله بالوحدانيه ولنبيه بالرساله عليه الصلاه والسلام. Et lorsque le prophète عليه الصلاه والسلام a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit innaka ta'ti qauman ahl al-kitab, tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. Et في روايه عند البخاري رحمه الله يوحد الله. فَإِنْهُمْ أَطَاعُكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ الْحَدِيثِ. Donc ça c'est le prêche qu'il faut observer et emprunter, car c'est le prêche des prophètes et des messagers. Ô Mu'adh, tu vas te rendre un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah et que Muhammad est le messager. S'ils t'obéissent en cela, informez-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières de jour comme de nuit jusqu'à la fin du hadith. Tu vois bien ici l'ordre à emprunter, à suivre, la méthodologie transmise et enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi celui qui viendra après lui, qui empruntera ce chemin, il sera bien guidé. Et c'est ce qu'ont fait les sahaba radiallahu anhum ajma'in. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a donc espéré ce jour-là avoir le commandement. On voit ici que Sahaba radiallahu anhu n'aimait pas avoir de responsabilité. Car la responsabilité veut dire le jugement le jour dernier. Toute personne qui a une responsabilité sera questionnée sur sa responsabilité Yom al-Qiyam. Et Sahaba avait peur, grandement peur, de la comparaison devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc Ali ibn Abi Talib qui a été honoré de par cela. On voit ici qu'une personne peut avoir un mérite supérieur à un autre dans un domaine, bien que cet autre soit de manière générale meilleur que lui. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'étendard à Ali ibn Abi Talib. Alors qu'il y a Abu Bakr qui est meilleur que Ali ibn Abi Talib, il y a Omar qui est meilleur que Ali ibn Abi Talib, sans aucun doute, sans aucune divergence. Non, sans aucun doute et sans aucune divergence. Donc, de dire que telle personne ou tel prophète ou tel compagnon a tel mérite ne veut pas dire qu'il est au-dessus de ceux qui n'ont pas eu cette chose propre. Non, de ceux qui n'ont pas eu cette chose précise. Et seul un innovateur, un égaré, à l'image de Shia, ou pire encore, Rawafid, pourrait penser qu'on comprend de ce hadith que Ali ibn Abi Talib est donc meilleur que Omar et que Abu Bakr et que Abu Bakr radiallahu anhu. Et il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques qui disent que le prophète alayhi salatu wassalam a donné l'étendard à Abu Bakr qui n'a pas réussi à ouvrir Khayba, puis il l'a donné à Omar qui n'a pas réussi à ouvrir Khayba, puis il l'a donné à Ali ibn Abi Talib et lui a réussi à ouvrir Khayba. Non, Ali ibn Abi Talib n'a pas besoin de textes faibles pour qu'on puisse démontrer son courage. Non, c'est un exemple dans le courage, c'est un exemple dans la force, c'est un exemple dans la bravoure, c'est un exemple dans la piété et dans beaucoup d'autres qualités. Mais ces textes-là sont faibles. Naam. Et tu trouves que chez Shia, ils inventent des ahadiths pour faire les éloges de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et mépriser Abu Bakr et Omar radiallahu anhu. Aimer Sahaba, les mentionner en bien, n'avoir aucune haine dans nos cœurs à leur égard, aucune mauvaise parole à leur égard, fait partie des bases et des fondements de Ahl Sunnah. Des bases et des fondements de Ahl Sunnah. On aime tous les compagnons. Et on n'en cite aucun en mal. Naam. Et on dit que le meilleur d'entre eux est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Et que cet ordre-là est l'ordre du Khalife également. Et on aime l'ensemble des compagnons. Et on se tait sur les quelques divergences qu'il y a eu entre eux. Et ils ont fait un effort de réflexion en ayant une bonne intention. Celui qui a eu bon aura de récompense. Et celui qui n'a pas est en concordance avec la réalité ou bien qui n'a pas été en concordance avec le bon résultat voulu par Allah subhanahu wa ta'ala shara'an, alors sa faute est excusée et il a une récompense pour l'effort de réflexion. Naam. Et ces petites erreurs sont jetées dans la mer de qualité et de ce qu'ils ont avancé pour l'islam, comme l'a expliqué Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Quant à ceux qui insultent les sahaba ou les mentionnent en mal, au minimum ils sont des innovateurs. Quant à ceux qui parlent en mal de sahaba et les mentionnent en mal, au minimum ils sont des innovateurs. Quant à celui qui dit sur Aisha radiallahu anha, ce dont Allah l'a innocenté, ou les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, comme Hafsa, comme le font Rawafid, ces gens-là n'ont aucune part dans l'islam. Ces gens-là n'ont aucune part dans l'islam. Naam. Wallahu musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ali ibn Abi Talib, avance et ne te retourne pas. Avance et ne te retourne pas. Ali ibn Abi Talib a avancé. Puis, il a voulu demander une chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un éclaircissement. Alors, il s'est arrêté, a élevé la voix sans se retourner. Naam. Et a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quelle idéologie il devra avancer dans cela. Subhanallah. Vous imaginez la scène? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, avance et ne te retourne pas. Ali ibn Abi Talib avance Et arrivé à un endroit, il veut questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'importe lequel d'entre nous, on aurait fait quoi? Tu t'arrêtes, tu te retournes, tu poses la question. Lui a avancé, puis il s'est arrêté. Il a élevé la voix sans se retourner. Naam. Et il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'idéologie sur laquelle il devait avancer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était de les inviter au tawhid. Naam. Que c'était de les inviter à shahada. La ilaha illallah. Et ici on voit l'islam des sahab, radiallahu anhu, ajib, wallahi ajib. Et ani la soumission qu'ils avaient devant les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point où l'un d'entre eux, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans oser se retourner. Sans oser se retourner. Et que tu trouveras à notre époque tout le contraire. Des textes encore plus explicites, mais le musulman se permet sciemment de les contredire. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu deux personnes parler, comme se disputer ou élever la voix. Il a dit, ijlisu, ijlisu, asseyez-vous, asseyez-vous. Abdullah ibn Mas'ud, ou un autre parmi les sahaba, était en train d'entrer dans la mosquée. Il était à la porte de la mosquée. Il s'est assis. C'est assis à l'entrée du masjid. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as assis ici? Il a dit, tu as dit, assis-vous, je me suis assis où j'étais. Subhanallah. Tasawwaru hadha al-mash'ad. Imaginez cette image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à des gens. Abdullah ibn Saoud ou un autre parmi les sahaba, je vous le dis lequel c'est, il entend en position assise et il se met assis alors qu'il est en train d'entrer dans le masjid. Non. Il ne dit pas pourquoi, comment, kaza. Non. Elle est islam. Elle est ijaba. Lillahi wa li rasul. Il répond à l'appel d'Allah et à l'appel du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya yualladina amanu stajibu lillahi wa li rasul ila da'akum lima yuhyikum. Ou vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce dans quoi il y a la vie. À ce dans quoi il y a la vie. C'est ainsi qu'était Sahaba. Et dans cette qissa de Khayba, il y a plusieurs événements qui montrent comment est-ce qu'il répondait rapidement à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, alayhi as-salatu wassalam. Et cela fait partie des grandes qualités donc de Ali ibn Abi Talib. À l'inverse, prenez notre époque, prenez nos comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple, ma asfalu al-ka'bayn fa huwa fi an-nar. Tout ce qui descend en dessous des chevilles, c'est en enfer. Le prophète alayhi wa sallam a interdit aux hommes de laisser traîner leurs vêtements et de faire descendre leurs vêtements en dessous des chevilles. Est-ce qu'on s'est tous soumis à l'ordre du prophète alayhi wa sallam? On a regardé nos pieds, on a dit, ah, c'est interdit, je ne savais pas. Le prophète sallam a interdit ça. À partir d'aujourd'hui, plus jamais mon vêtement ne descendra en dessous de mes chevilles. Aïcha radiallahu anha a dit, et nous les femmes, le prophète sallam a dit, tu peux laisser descendre, yani au sol ou un enfant, en plus, ou kamakala sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'était sahab. Omar ibn al-Khattab radiallahu anha a tellement répondu à l'appel d'Allah et de son messager dans cet ordre-là, qu'il était allongé, après cette fait poignarder, et il se vidait de son sang. Il était allongé, s'évanouissait, se réveillait avant de décéder. Un jeune homme est entré pour lui parler. Mais avant de pouvoir lui répondre, il s'est évanoui. Il perdait son sang. Lorsqu'il a repris conscience, il a dit, où est le jeune homme? Ils lui ont dit, il est là. Il lui a dit, oh inter, remonte ton vêtement. Il est en train de décéder, Allahu Akbar. Il est en train de décéder, yu'adhimu sunnah. Au moment de décéder, il immensifie la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Hadi mawaqif rijal. Ça, c'est des positions d'hommes, comme on n'en verra jamais, sauf si Allah azza wa jalla nous honore, yom al-qiyam, de rencontrer sahaba, puis fil jannah. Subhanallah, il est en train de décéder, qu'est-ce qu'il dit? Al-nahyu al-munkar. Sur quelle chose? Sur une chose qu'on minimise, nous, au jour d'aujourd'hui. Il lui dit, oh, inter, yirfa' thawbak, remonte ton vêtement, parce que son vêtement descendait en dessous des cheveux. فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ. Ça sera plus pieux entre toi et ton Seigneur. est plus propre pour ton vêtement. Avant de décéder, Omar ibn Khattab, après avoir entendu cet ordre du prophète, regardez le comportement qu'il a. Ça a affecté leur cœur, ça a affecté leur langue, leurs actions, leurs agissements. Radiallahu anhu. Ça, c'est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Ce sont nos exemples. Où sommes-nous? Nous, où en sommes-nous devant la réponse, devant l'appel d'Allah, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans ceux qui nous appellent, ou bien dans ceux dans quoi il y a la vie des cœurs. Donc c'est ainsi qu'étaient les sahaba, que ce soit Ali ibn Abi Talib, ou celui qui était meilleur que lui, Uthman ibn Affan, ou celui qui était meilleur que lui, Omar ibn Khattab, ou celui qui était meilleur que lui, Abu Bakr, radiallahu anhu. Et on a souvent cité ce sujet, car on en a besoin de se le rappeler, de l'étudier et de nourrir nos cœurs avec. Surat ustijabati sahaba li amrillahi wa rasuli. La réponse rapide des compagnons devant l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son messager. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le secours aux sahaba, à Ali ibn Abi Talib, et danat lahum khaybar, et khaybar s'est soumis aux sahaba par la grâce d'Allah azza wa jal et son assistance. Ce jour-là, Khaybar s'est soumise et 15 parmi les Sahaba sont décédés. 15 parmi les Sahaba sont décédés. Et une soixante-dizaine parmi les gens du livre. Ceux qui ont tenté de les combattre ont perdu ce jour-là, et les femmes sont reparties ainsi que les enfants. Il y a une histoire qui concerne Banu Nadir, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait exclu de l'Madina suite à leur faute commise, et il leur avait permis de partir avec des conditions. Parmi ces conditions, ils devaient laisser là l'argent et les armes et prendre que ce que leur monture pouvait supporter. Et parmi les clauses, s'ils ne respectaient pas une condition, ce traité serait, il deviendrait caduc. Ce traité deviendrait caduc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris donc leur trésor. Si ce n'est que Huyay ibn Akhtab, le chef de Banu Nadir, en partant, avait caché dans un récipient fait de peau, il avait caché des richesses. Et les avait emportés à Khaybar. Et les avait emportés à Khaybar. Donc suite à la bataille de Khaybar, alors qu'il n'était plus là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses deux fils où sont les trésors de Banu Nadir. Ils lui ont répondu que tout cela a été dépensé dans les guerres et dans les besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, le temps est trop proche, ni le temps depuis leur sortie de l'Médina et Khaybar, le temps est trop proche. Donc ils ne sont pas véridiques. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a remis à Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu an, un des 10 promus au paradis, un des meilleurs parmi l'ensemble des sahaba radiallahu an. Alors il les a attrapés, il les a secoués pour qu'ils avouent. Naam, il les a secoués pour qu'ils avouent. Alors ils ont reconnu et ont dit qu'ils ont vu Huyay ibn Akhtab tourner vers cette maison en ruine. Ils l'ont vu tourner vers cette maison en ruine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des sahaba fouiller dans cet endroit et en effet ils ont trouvé son trésor. Par la suite, ces deux enfants ont été combattus et ils ont péri dans cette bataille. L'un des deux fils de Huyay ibn Akhtab était l'époux de Safiya radiallahu anha. Alors elle a été prise avec les autres et elle a été accordée à Dihya radiallahu anha. وقعت في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه كما رواه البخاري رضي الله رحمه الله تعالى. صفية était la une noble parmi les nobles de Banu Nadir. C'était la plus noble de Banu Nadir, celle ayant le rang le plus élevé, la plus respectée, et c'était une femme très belle également. Les sahaba radiallahu anhum sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit qu'ils ne la voulaient pas pour Dihya et que nul autre que lui ne pouvait la voir. C'est-à-dire, seul le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam était convenable pour Safiya radiallahu anha du fait que c'était la meilleure des femmes de son peuple. Naam, la meilleure des femmes de son peuple. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Dihya, de la lui remettre et en échange il lui a donné 7 autres personnes. Il y a plusieurs versions sur cela. Puis sahaba radiallahu anhum se sont demandé est-ce que, yani quel allait être le statut de Safiya. Et au final le prophète sallallahu alayhi wa sallam اعتقها وتزوجها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi et il l'a épousé. C'était donc la femme la plus noble, une femme extrêmement charmante, ayant un très haut rang dans son peuple. Anas ibn Malik radiallahu anhu raconte la walima du prophète alayhi salatu wassalam, le repas de mariage avec Safiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié Safiya à la mère de Anas ibn Malik, Umm Sulaym radiallahu anha. Mada, pour qu'elle y passe à Idda. Quelle est la Idda de la femme qui est dans cette situation? C'est un mois, c'est une période menstruelle. C'est une période menstruelle. Et quelle fut la walima? Yani lorsqu'il y a un repas de mariage au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens préparent et apportent? Et combien de temps ils repoussent la walima pour pouvoir inviter de nombreuses personnes et déposer les plus belles choses à qui aura la table la plus fournie, plus remplie de viandes différentes et ainsi de suite? La walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si, à notre époque, on disait une soufra de fruits secs. Vous imaginez? Imaginez une walima où on pose par exemple quelques dattes, et des fruits secs. Les gens parleraient sur cette personne, la critiqueraient, peut-être la blâmeraient, ou peut-être qu'on aurait honte pour lui. Et peut-être que lui-même n'oserait pas faire sa walima. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa walima ainsi. Puis sahaba radiallahu anhum ont apporté des petites choses également. Pour que tu saches que la noblesse de l'homme et de la femme et la considération qu'on doit leur accorder n'est pas en fonction de ce qu'ils dépenseront pour le mariage. Wa inna akramakum 'indallahi atqakum. Ceci est le mariage de qui? Du meilleur des hommes ayant marché sur la terre. Du meilleur des hommes ayant marché sur la terre. Ça, quelle est sa walima? Celle-ci. Avec qui est-ce qu'il se marie? Avec la femme la plus noble de son peuple. Non, meilleure que la princesse de tel pays ou la reine de tel autre pays. Donc c'est le mariage du meilleur des hommes au monde et le mariage de la femme la plus noble de son peuple qui devient la mère des croyants, sa fille, radiallahu anha. Malgré ça, voici la walima. Naam, Samal, Al-Aqit et d'autres choses semblables. Et ici, il y a une leçon pour ceux qui font les repas de mariage. Et l'été est proche de nous, naam, et beaucoup font leur mariage en été. Et il se passe dans ces mariages ce que seul Allah Azza wa Jal connaît comme mal. Naam, que ce soit la musique, que ce soit les gens dénudés, que ce soit les boissons consommées, que ce soit le mélange et les péchés commis entre les hommes et femmes, à un point tel que même des gens s'affiliant à la sunna, détombent au point où ils entrent chez les femmes lors du mariage. Pourquoi? Parce que c'est la coutume. Pourquoi? Parce que chez nous c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ton frère s'est marié comme ça, tu te marieras comme ça. Non, t'es un homme. Qu'est-ce qui t'empêche de refuser cela? Qu'est-ce qui t'empêche de refuser cela? C'est haram. Il entre chez les femmes. Et comment est-ce que la femme va être préparée sur un jour de mariage? Et comment est-ce que les femmes sont dans ces wala'im? Il entre chez les femmes, du côté des femmes. Et il va au milieu des femmes. Non, dans certaines coutumes, ils le mettent sur un siège avec la femme. Ou la femme vient du côté des hommes. Avec toute sa parure. Subhanallah, comment est-ce que l'homme agrée cela pour sa famille? Wala yaghar ala ahli. Naam. Est-ce qu'il n'y a plus de jalousie dans les cœurs? On s'est éloigné tant que ça de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des règles religieuses. Ça, c'est sans compter la musique et tout le mal qu'il se passe dans ces mariages. Wallahu musta'an. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette walima. Il y a pour nous une leçon. Celui qui a les moyens, ça n'est pas interdit qu'il dépense le nécessaire pour honorer ses invités, quel que soit le prix qu'il mettra, et ainsi de suite. Tant qu'il ne fait pas de gaspillage, et tant que son intention n'est pas de s'enorgueillir et de montrer ce qu'il possède, et ainsi de suite. À la kulli hal, il y a dans cette et ça, du prophète alayhi salatu wassalam, des leçons et des enseignements pour ceux qui réfléchissent. Elle est donc devenue la mère des croyants, radiallahu anha. Non. Plusieurs événements et plusieurs jugements ont été légiférés après la bataille de Khaybar. Parmi ces événements, il y a eu une grande famine. Ils se sont retrouvés dans une grande difficulté. Ibn Abi Awfa radiallahu anhu nous dit que le jour de Khaybar, suite à cette grande famine, ils ont sacrifié les ânes. Ils avaient pris des ânes à Khaïba. Naam. Al-Humr al-Ahliya. Et ils les ont sacrifiés. Ils les ont préparés. Ils les ont coupés, ils les ont préparés. Et ils ont allumé les marmites. Alors que les marmites étaient en ébullition, un messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Et a dit: Ayyuhan nas, inna Allah wa rasulahu yanhayanikum 'anil humri ahliya fa innaha rijs. Un homme est venu, comme dans le hadith d'Abu Talha, peut-être Abu Talha radiallahu anh, ô vous les gens, vous avez compris la situation, il y a la famine, ils ont sacrifié les bêtes, elles sont dans les marmites prêtes à être consommées. Ô vous les gens, certes Allah et son messager vous interdisent la consommation de l'âme. C'est une impureté. Fa'ukfiyatil qutr. Celui qui rapporte le hadith nous dit immédiatement les marmites ont été éteintes. Ont été éteintes. Encore une leçon de quoi ici? C'est une leçon de quoi ici? Sur'atu istijabati sahaba li amrillahi wa rasulih. La rapidité qu'avait sahaba dans quoi? Dans la soumission devant les ordres d'Allah et de son messager. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal nous a interdit riba dans le Coran. Et nous a informé que celui qui reçoit l'annonce du jugement et l'exhortation, puis qui ne délaisse pas riba, fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulih. Il reçoit la guerre. Il reçoit la guerre. Mais tu trouves des gens au jour d'aujourd'hui qui vont dans les banques et qui font des crédits avec intérêt. Ils lisent le Coran. Ils lisent le Coran. Non. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de mourir de faim? Non. Pourquoi faire, par exemple, une maison? Pourquoi faire aller en vacances? Pourquoi faire waraka? Allahu Akbar, comparez ça avec ça. Ici, ils sont en famine. La viande est, elle est devant eux. Subhanallah. Elle est devant eux. Il n'y a juste à tendre la main pour la porter à la bouche. Dès qu'ils ont entendu l'interdiction, ils n'ont pas dit, ouais, mais peut-être tu as mal compris. Peut-être kada, peut-être kada. Là, as-sahabi, le compagnon, Abu, ils sont tous des gens de confiance. Non. Donc quand la personne dont l'information doit être acceptée arrive, on l'apprend. On l'apprend. Ce qu'on appelle Kaboul, Kaboul Khabari Fiqa. Celui qui est une personne véridique et qui n'est pas connu pour le mal, comme étant dans les grands péchés ou persistant dans les autres, il est véridique. C'est un croyant, te donner l'information, tu l'acceptes. Par contre, si c'est un fasir, c'est un pervers, sa droiture est tombée, tu ne vas pas rejeter immédiatement l'information, mais tu ne l'acceptes pas. Et tu vas aller la vérifier. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Ay tathabbat. Oh, yani si un pervers vient avec une information, vérifiez-la. Les savants ont dit mafhoumou. Donc el mafhoum, mafhoum el mukhalafa, on tire à l'inverse, que si une personne de la droiture vous vient avec une information, acceptez-la. Acceptez-la. C'est pas avec le suivi des passions, tu sélectionnes de qui tu prends, de qui tu ne prends pas selon tes passions. Non, il y a des règles dans le deal. Il y a des règles dans le deal. S'il est connu pour mentir ou être dans les grands péchés, on ne prend pas son information. On ne prend pas son information. Et dans le hadith « Sadaqaka wa huwa kadhoub », il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur, en parlant du shaitan dans l'histoire de Abu Huraira, lorsque shaitan venait voler des aumônes. « Sadaqaka wa huwa kadhoub », certains disent ici, Abu Huraira a appris que de réciter « Ayatul Kursi » avant de dormir, le préserve des shayatin jusqu'au matin, il a pris cette information du shaitan. « Hada lay sa bi sahih abadan ». Est-ce que c'est du shaitan qu'on a pris ça? Non. On l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit, sadaqaka wa huwa kadhoub. Il t'a dit vrai, bien qu'il soit un grand menteur. Il t'a dit vrai, bien qu'il soit un grand menteur. Et Cheikh Rabi dans une muhadara dit, le menteur peut être véridique par moi. Donc s'il vient avec une information, on ne dit pas qu'il ment directement et on la rejette. Mais on ne la saddaque pas. Par la suite, yani, tu vas vérifier. Ça, c'est le juste milieu. Ça, c'est le juste milieu. Et dans l'islam, on accepte le rapporteur qui n'est pas sur la sunna, il est sur l'innovation. à condition qu'il ne soit pas connu pour le mensonge, mais plutôt pour être véridique. Et qu'il n'appelle pas à son innovation. Et qu'il n'apporte pas un hadith pour appuyer son innovation. On accepte son hadith. Alors que le menteur, et c'est ce qu'a fait l'imam al-Bukhari, l'imam muslim et beaucoup d'autres, ils ont rapporté de ce rapporteur-là. Non. Alors que le rapporteur qui ment, on n'accepte pas son hadith, il est daif mutlaqan. Il est daif même si c'est pas un innovateur. Même si c'est pas un innovateur, on prend pas son hadith. Le menteur, on prend rien de lui. S'il dit j'ai vu la lune demain c'est Ramadan ou j'ai vu la lune demain c'est l'Eid, on prend pas sa parole. On attend des autres. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc envoyé le compagnon pour dire qu'Allah a interdit la consommation de la lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la consommation de l'âme. Qui est-ce qui légifère, qui interdit, qui ordonne? En réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui transmet. Mais sachez que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est comme ce qu'Allah a ordonné, comme ce que Allah a interdit. Car c'est le messager d'Allah. Et il transmet. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ça, c'est une chose qui a donc été légiférée le jour de Khaïba, l'interdiction de la consommation de l'âne. Donc, les marmites ont été éteintes alors qu'elles étaient en ébullition. Ça, c'est une leçon dans la soumission devant les ordres d'Allah Azza wa Jal et de son messager. Quant à la cause de l'interdiction, c'est parce que c'est un animal qui consomme des souillures et des mauvaises choses, il est impur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, a été interdit la consommation de tous les fauves ayant des crocs. La consommation de tous les fauves ayant des crocs. Troisièmement, la consommation de tous les volatiles ayant des cerfs. Comment est-ce qu'on dit? Les rapaces. Non. Comment? Taïb. Comment est-ce qu'on appelle les griffes de ces volatiles-là? Des cerfs, c'est bien ça. T'as des rapaces, et peut-être que ça ne portait plus général que cela. Ma connaissance des termes s'arrête là. À la kulli hal, nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam an akli kulli dhi nabin min as-siba' wa kulli dhi makhrabin min at-tuyur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, le Bukhari rapporte le hadith, et d'autres, a interdit la consommation de tous les faux ayant des crocs. Non. Et de tous les volatiles ayant des cerfs. Donc, chasser les oiseaux, c'est permis. Mais s'il fait partie des volatiles ayant des cerfs, donc des rapaces, alors ce volatile n'est pas licite à la consommation. Ma hukmu akli dhaba. Quel est le jugement de la consommation du yen? Quel est le jugement de la consommation du yen? Le lion, par exemple, c'est halal. C'est un fauve, il a des crocs. C'est interdit. Le yen, c'est halal. Hein? Toi, tu dis que c'est halal? La question, c'est: est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? C'est halal? Vous êtes d'accord? C'est grand Mohamed? T'as déjà mangé du yen? Non? Voyez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis en compagnie de certains parmi les sahaba. J'oublie qui sont sahaba, peut-être Muawiyah et d'autres, radiallahu anhum. J'ai oublié le nom. Hasil. Le sahabi a porté sa main au. Non. Khalid Walid, qui était avec le Prophète sallam. Nasit. Peut-être que c'est Khalid donc, radiallahu anhum. Il a mis sa main donc, dans le plat et a commencé à manger. Il a vu sur le visage du Prophète sallallahu alayhi wa sallam un certain dégoût. Il lui a dit, ah haram, wa ya Rasulallah, est-ce que c'est interdit? Il lui a dit non, si ce n'est que moi je n'en mange pas. Il lui a dit non, si ce n'est que moi je n'en mange pas. Ce n'est pas une chose qu'il a eu l'habitude de manger. Quand il y a une chose qui ne vient pas de ton pays à la base, tu peux ne pas avoir de la facilité à le consommer. Soit par l'apparence, soit par l'odeur ou autre, alors que lorsque tu as grandi dans cela, ça t'est plus facile. Naam. Et certains parmi les savants ont dit, donc il y a le texte déjà, mais aussi les dents du yen, naam, elles sont plates. Naam, ça n'est pas comme, yani, ce n'est pas des crocs. En regardant, ça n'est pas des crocs. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, il y a un os. Il y a un texte qui nous montre que c'est licite. Taïb, quel est le jugement du requin? Est-ce qu'on a le droit de manger du requin? Oui, le requin n'a pas de croc. Il est dans la mer. Et le Prophète ici a interdit As-Siba. Il a interdit les fauves ayant des crocs. Les fauves ayant des crocs. Qui a déjà mangé du requin? Déjà mangé du requin? Ana Kavali, moi également. Taïeb. Troisièmement, quatrièmement, Al-Mujathama a été interdite. Al-Mujathama, comme dans lequel l'imam al-Tirmidhi, son Abu Hurayra radiallahu anhu. Al-Mujathama, c'est quoi? C'est l'animal que tu vas attacher. Naam, tu prends un volatile par exemple, tu l'attaches, tu le jettes, et on s'amuse à le viser. Vous avez compris, les chasseurs font cela. Le Prophète sallam a interdit de faire ça. Tu attaches la bête à chasser, tu la jettes, naam, tu mets un câble, un fil, tu l'attaches, une corde ou autre, et on s'amuse à la viser, ou bien on la vise comme ça. Le Prophète alayhi salatu wassalam a interdit cela. On l'appelle également al-masboura. Cinquièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha ar-rijal ou qala la tasqi zar'a ghayrik. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ne n'irrigue pas le terrain d'autrui. Que signifie ça? Tu n'as pas le droit de consommer avec une femme qui est enceinte au préalable, qui est tombée enceinte au préalable. Est-ce que c'est compris? Par exemple, un homme veut épouser une femme qui a été divorcée par son époux, mais elle est enceinte. Est-ce qu'il peut se marier et consommer le mariage? Non. Elle doit observer une période de viduité. Quelle est la période de viduité de la femme enceinte? Comme dans le Coran, surat al-Talaq, c'est quoi? C'est l'accouchement. Dès qu'elle accouche, elle peut se marier. Non. Est-ce qu'il pourra consommer le mariage directement? Non, parce qu'elle sera, elle aura, yani, c'est l'oshi. Mais est-ce qu'il peut se marier? Il peut se marier. Et lorsqu'elle finira sa madha, elle nifas, il pourra consommer le mariage. Mais se marier, consommer le mariage alors que la femme est enceinte, c'est pas valable. Comme dans la fatwa d'Ibn Baz, c'est pas valable. C'est pas que c'est pas permis, c'est pas valable. Le acte, il n'est pas valable. Non. Il doit attendre qu'elle accouche pour pouvoir l'épouser. Et là, ce temps-là, elle est encore l'épouse de celui qui l'a divorcé. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de consommer avec une femme qui est enceinte. On a pris l'exemple, cet exemple-là, il y en a d'autres. Donc l'obligation c'est quoi? C'est d'attendre qu'elle accouche. Si ça n'est pas le cas, si elle n'est pas enceinte, dans ce cas-là, dans cette qissa-là, il fallait attendre une période menstruelle. Il fallait attendre une période menstruelle. Quant à la femme divorcée, na'am, c'est trois, yani thalathata qurou, comme c'est dans le Coran. Donc trois périodes menstruelles ou trois périodes de pureté. Na'am. La femme a ses menstrues, elle est finie une première fois, elle a ses menstrues, elle est finie une deuxième fois, elle a ses menstrues, elle est finie une troisième fois. Na'am. Après cela, elle a fini sa période de viduité, la séparation est totale. C'est-à-dire qu'elle n'est plus rattachée à son époux, elle peut être demandée en mariage. Avant cela, elle est mariée. Et son époux peut la reprendre, et il n'y a pas de mariage à refaire. Avec une parole en rapport, elle est reprise. Il n'y a pas de chose à refaire. Par contre, si les trois périodes finissent, et qu'il veut se remarier avec elle, il doit refaire un mariage entièrement. C'est-à-dire avec le wali, avec le mahr, avec le témoin, la demande, et ainsi de suite. Na'am. Ça, c'est dans le cas où ça n'est pas le troisième divorce. Après le troisième divorce, il ne peut plus se remarier avec elle, sauf cas particulier, elle se remarie, le mariage est consommé, puis il y a une séparation, soit par un divorce, soit par un décès. Na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également interdit de vendre du butin avant qu'il soit partagé. Naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an bay'i al-ghanaim qabla an tuqsam. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, 'inda Abi Ya'la radiyallahu anhuma wa rahimah. Le septième point, dans le recueil d'Imam Muslim. Donc vous vous souvenez que c'était Ayyam Maja'a, Yawm Maja'a, c'est un jour il y a eu une grande famine. Alors les sahaba radiallahu anhum ont mangé beaucoup d'oignons. C'est ce qu'ils ont trouvé. Et ils ont mangé beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail et des ces sortes-là de nourriture. Al-Baqla, l'ail probablement, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on traduit, et Thoum. Donc les gens en ont mangé beaucoup. Puis ils se sont rendus à la mosquée pour la prière. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti une odeur. Car vous savez tous que lorsqu'on mange de l'ail ou de l'oignon, ça dégage facilement de mauvaises odeurs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man akala min hadhihi shajarati al-khabitha fala yaqrubanna fil masjid." Que celui qui mange de cela, qu'il n'approche pas la mosquée. Donc celui qui mange de l'ail ou de l'oignon et qu'il y a odeur dans son haleine, n'a pas le droit de venir à la mosquée. Il n'a pas le droit de venir prier à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges reçoivent la nuisance comme Ibn Adam reçoit la nuisance, c'est-à-dire quand il y a la mauvaise odeur. Là, dans ce hadith, on parle de l'ail, on parle de l'oignon et autres. Mais c'est le jugement, il est général. Celui qui il mange une chose qui dégage une très mauvaise odeur, non, ou qui fait une chose, yani, pire encore, ça c'est halal. L'ail et le mada, l'oignon, c'est halal. Si ce n'est que celui qui en mange, il ne vient pas à la mosquée tant qu'il y a cette odeur. Que dire alors de celui qui fume, et ça c'est haram. Celui qui fume des cigarettes ou autres, c'est haram. Et c'est grave. Il se nuit à sa personne, il fait du gaspillage, il nuit à sa santé, il nuit mada aux autres. Ce qu'ils appellent le tabagisme passif. Il nuit à sa famille, femme, enfant. Na'am. Et certains même donnent des maladies à leurs enfants dans le ventre du fait qu'ils n'arrêtent pas de fumer, même par rahma envers l'enfant. Subhanallah. Na'am. Celui qui fume, il y a la mauvaise odeur, à plus forte raison, il entre dans ce point-là. Un sahaba, lorsqu'ils ont entendu le prophète alayhi salam dire qu'ils ne viennent pas à la mosquée, ils ont compris que désormais l'oignon et l'ail, c'est interdit. Était interdit. Lorsque cette information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, khatab al-nas, il a parlé aux gens. Et il leur a dit, yuhannas, innahu laysa bitahrim ma halallahu li. Ça n'est pas l'interdiction de ce qu'Allah m'a rendu halal. Naam, walakinna shajara akrahu rihaha. Mais c'est un arbre, yani, son odeur, je la déteste. Yani, celui qui mange de l'ail, celui qui mange de l'oignon, il a une odeur détestable par la suite. Donc, lui, sallallahu alayhi wa sallam, n'en mangeait pas. Il n'en mangeait pas par rapport à l'odeur et la laine. Donc, si tu manges de cela, ça ne laisse pas l'odeur, comme celui qui mange de l'oignon, mais il l'a cuisiné dans le repas. Ou bien, elle l'a cuisiné dans le repas. Non? Et est-ce qu'il va dire, moi j'ai mangé de l'oignon, je ne vais pas prier à la mosquée? Non. Et Ani, la illa c'est quoi? C'est la mauvaise odeur. La illa c'est quoi? C'est la mauvaise odeur. Si l'oignon est cuisiné et qu'il n'a pas laissé la mauvaise odeur, alors tu viens au masjid et tu pries avec les gens. Et de là on voit qu'il convient aux musulmans de faire attention à son haleine. Et le prophète, alayhi wa sallam, détestait qu'on sente de lui mauvaise odeur. Et c'est celui qui sentait le plus bon. Alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla lui a mis cela sur sa personne. Il sentait bon. Sa peau était douce. Un sahabi lui serre la main, il dit, je n'ai jamais touché de soie plus douce que la main du prophète, alayhi wa sallam. Et on sait qu'il travaillait. Naam, regarde les mains des travailleurs. Sahulala. La main du prophète, alayhi wa sallam, était plus douce que la soie. Et il ne laissait que de bonnes odeurs, même lorsqu'il transpirait. Et il utilisait siwak. Et Aïcha radiallahu anha disait, la première chose que le prophète alayhi wa sallam faisait en rentrant chez lui, ayastak. Il faisait quoi? Il utilisait siwak. Et les savants ont beaucoup parlé du siwak et de son importance. Et parmi les moments, il est bon de l'utiliser lorsque l'odeur de la bouche change. Lorsque la laine de la bouche change, il est bon d'utiliser siwak. En entrant chez soi, c'est une sunnah. Tu entres chez toi, tu dis bismillah, salamu alaykum. Tu utilises le siwak. C'est une sunnah. Dès que le prophète alayhi wa sallam entrait chez lui, il passait le salam, il utilisait le siwak. Et de passer le salam en entrant chez soi, c'est une cause de richesse et de subsistance. Comme c'est venu dans un hadith, subhanallah. Tu rentres chez toi, à chaque fois tu passes le salam, tu vas être riche. Inch'Allah. Tout le monde va passer le salam plein de fois en rentrant chez soi maintenant. Attends, on avait déjà étudié le hadith, non? L'explication d'Al-Kalim al-Tayyib d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Certains minadjahala, certains parmi les ignorants, ou bien ceux qui savent mais se forcent à parler avec ignorance pour nuire à autrui, on dit ici on a étudié Al-Kalim al-Tayyib. Pourquoi il n'appelle pas au tawhid? Vous avez compris cette phrase gravissimement gravissime et le paroxysme de la bêtise. Yani pour eux, étudier le Kalim al-Tayyib, un livre de Adhkar, et réuni par ce grand savant Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et enseigné par Cheikh Abdel Razak al-Badr et autres, pour eux, ça, c'est pas da'wa la tawhid. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. S'ils savent, alors c'est un grand malheur. Et s'ils ne, donc ils ont fait exprès pour nous nuire, c'est un grand malheur. Et s'ils ne savent pas, le malheur il est encore pire. C'est-à-dire, ils ne savent pas que c'est du tawhid. Al-adkar. Al-isti'ada. Naam. Al-shahadatan. Talabul maghfira. Al-du'a. Et ainsi de suite. S'ils ignorent que tout ça c'est le tawhid, wallah, c'est une musiba azima jidda. Wallah, c'est une musiba azima jidda. Et s'ils ne savent pas que ça c'est sunnah, yani, ahlus sunnah, comme disait Cheikh Moukbir, rahmallahu ta'ala, comme nos enseignants nous ont appris, la yuhyun al-mawta. Ahl sunnah, ils n'ont pas le pouvoir de faire revivre les morts. Hein? Ahl sunnah, ils font da'wah, mais ils ne peuvent pas faire revivre les morts. Si la personne, elle est morte, tu ne peux rien faire pour elle. Tu fais du'a Allah Azza wa Jalla, il est à la kulli shay'in qadir. Tu peux le faire revivre. Parce que la mort du cœur, c'est comme la mort de la terre. Ce n'est pas la mort où il a kiffé ce bas monde. Allah Azza wa Jalla fait descendre la pluie, la terre, elle revit, n'est-ce pas? Nous, on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il fasse revivre leur cœur. Parce que si tu ne sais pas que l'adkar, Et si tu ne sais pas que tout ce qu'on a étudié, ça c'est du tawhid, وَتَنْتَسِبِ la sunnah, et alors que tu es affilié à la sunnah, وَاللَّهِ c'est une musiba azima jidda, وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Comme mensonge également, on ne met pas en garde contre Ahlul Bid'ah. On ne met pas en garde contre Ahlul Bid'ah. Donc il voulait qu'on dise, en se réveillant, tu dis, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Un tel salawatul. C'est quoi le lien entre tu te réveilles, tu dis la dua, on explique la dua, il veut que juste après ça tu mettes en garde contre. Ya akhi, subhanallah. Li kulli maqam il maqam. Les jeunes vont rire de toi. Suite à ces bêtises-là, les jeunes vont se moquer de toi, les ignorants vont rire de toi. Non? Ou bien tu fais la dua sal-sikhara et ensuite, on parle d'un mubtadi. On appelle à la sunnah ou à l'alhamd, on appelle au tawhid en détail et on met en garde contre Ahlul Bid'ah. Et on cite leur nom lors de la nécessité. Et on appelle au tawhid, on appelle à la sunnah en détail et on met en garde contre le shirk, on met en garde contre la bid'ah en détail. وَهَذَا خَضْلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا. Et ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal sur nous. Pas parce qu'on est plus fort, pas parce qu'on est plus savant, pas parce qu'on est plus intelligent, mais c'est un bien qu'Allah a voulu pour nous. Et notre prof de, notre enseignant de Tawhid, Zallah Khayran, disait souvent cette parole, que Cheikh Mukhbir rahimahullah ta'ala répétait. Ça n'est pas grâce à nous, ni notre force, mais c'est un bien qu'Allah a voulu pour nous. Laysa bi hawlina, wa la bi quwwatina, wa lakin fadlun aradahu Allah lana. Na'am. Falhamdulillah. Amma, que tu souhaites qu'on enseigne comme toi tu le veux, c'est pas comme ça le dit. On ne regarde pas toi ce que tu aimes, toi ce que tu fais, toi ce que tu veux. Tu n'as aucune place auprès de nous, avec tes paroles. Ni tu affectes dans le bien, ni dans le mal. Ça c'est du tawhid, ta'allamhu. Apprends-le, ça c'est du tawhid. Al-Nafi' al-Dar, c'est Allah Azza wa Jal. Apprends-le. Al-Rafi, al-Khafi, celui qui élève et rabaisse, c'est Allah Azza wa Jal. Apprends-le également, ça c'est du tawhid. Na'am. Que tu parles, que tu mentes, que tu sautes, que tu... Ça nous affecte en rien. Non? Ça nous affecte en rien. Barakallahu fikum. On regarde la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On regarde la compréhension des compagnons. On regarde comment est-ce que nos savants font, transmettent, apprennent, enseignent, transmettent. Et on s'efforce de suivre leurs pas. On s'efforce de suivre leurs pas. Quant au fait de regarder lui dans tel endroit ce qu'il fait, lui dans tel endroit ce qu'il fait, et ce qu'il fait on dit c'est bon, et celui qu'il contredit on dit c'est mal, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu peux faire avaler ça aux jeunes qui sont assis devant toi, mais ici ça, cette pilule elle ne passe pas. Cette pilule elle ne passe pas ici. Par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, on a été éduqués sur Tawhid wa Sunnah. Et le fait que la balance, inna al-mizan al-akbar, inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizan al-akbar, alayhi tu'arudu a'mal al-ibad, comme on l'a étudié dans la muqaddima de Sirah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la balance la plus grande. Et c'est sur celle-ci qu'on va peser les actions des gens, pas sur toi. À partir de là, ce qui est en conformité, c'est accepté. Ce qui est en contradiction, c'est rejeté. Hakala. Amma un, il vient et dit faut faire comme ça, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. Menant, qui es-tu? T'es le chevalier de la da'wa? Par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, on revient au savoir. Alhamdulillah, ils sont vivants et ils sont nombreux. Na'am, wallah alhamd. Et si vous voulez qu'on coupe le lien entre nous ou ceux qui assistent au cours et les savants, fa hayhat hayhat bi'idhnillah Azza wa Jalla. Loin de nous l'idée de vous suivre dans cela. À l'image de l'égaré Hatim Abu Abdillah. À l'image de l'égaré Hatim Abu Abdillah. Qui dit aux gens qu'il faut prendre directement de la base. D'accord, qu'est-ce qu'on fait des savants? Quel est le rôle des savants? Il faut prendre la base. Comment est-ce que tu as eu ces hadiths-là? Alors on délaisse la sunna. Ces hadiths ne sont-ils pas venus avec une chaîne de transmission? Du temps du prophète jusqu'à notre époque? À l'époque des muhaddiths, Si le Bukhari aurait dit non, je ne prends pas de toi, je prends directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas pu écrire Sahih al-Bukhari, Sahih al-Jami', Imam Muslim non plus, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et autres. Donc on est obligé de prendre l'ilm en venant devant les ulama. Ça khalafe le Coran ou la Sunna, même l'aql al-salim. Non, ça contredit le Coran, la Sunna et même la raison. Donc en disant ces propos-là, c'est comme si vous voulez nous couper de notre lien avec les savants. Nous, nous sommes personnes et on en a conscience. Et on transmet, on fait le lien entre les savants et les gens de la masse. Naam. Amma qu'un talib ilm. Un talib ilm, ils viennent et ils disent, on fait comme ça, on fait pas comme ça, on fait comme ça, on fait pas comme ça. C'est pas ton rôle. Ton rôle, toi, c'est de faire la transition entre les ulama et les gens. Amma que toi, tu prennes les devants et que tu ordonnes et interdises et dises, c'est comme ça et c'est pas comme ça. C'est pas accepté chez nous. Va trouver un ignorant de ton rang et peut-être il va accepter cela de toi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith d'Ali radiallahu anhu, dans le sahih, il n'a an mut'ati an-nisa yawma khayba. Aïda, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, عن بيع الذهب إلا بمثله أي بوزنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لا تبيع الذهب إلا وزنا بوزن. Le prophète عليه الصلاة والسلام à Khaybar, les gens vendaient une chose d'or contre deux, contre quatre, contre trois et ainsi de suite. Il a interdit ça. Il a dit ne vendez de l'or que selon l'équivalent dans le poids. Naam, il faut que ce soit équivalent dans le poids. Dans lequel Imam Bukhari Muslim, selon Abdullah ibn Mughaffal, radiallahu anhu, ce jour-là, comme on l'a cité et redit, il y a eu une famine. Il nous dit, Abdullah radiallahu anhu, Asabtu jiraban yawma khayba. J'ai trouvé un récipient, yani un récipient de peau, d'accord, ina min jild, et rempli de graisse. Et c'est un jour de famine. Donc ça, c'est un trésor. Et il a dit, la u'ti ahadan min hadha al-yawm. Il l'a trouvé, il était content, il l'a pris et il a dit aujourd'hui je n'en donnerai à personne. Faltafattu idha bi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit j'ai tourné la tête et j'ai vu que m'avait entendu qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fastahiyat, j'ai eu honte. Vous avez compris la situation? Un jour de famine. Naam, tu trouves quelque chose et tu dis tellement que tu es content, tu dis je vais en donner à personne. Quand tu tournes ta tête, tu vois qui? Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai eu honte. Naam. Fabtasama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mettait jamais les gens mal à l'aise. Il ne les mettait jamais dans la gêne. Quand il a entendu ça et il a vu qu'il l'avait vu, il a souri. Naam. Il a souri. Après, il a dit, voilà. Yani, c'est à toi. Personne ne va te le disputer ou te forcer à le donner sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam ne mettait jamais les gens dans la chaîne. Naam, dans une situation difficile. Il est venu chez des gens qui lui ont accordé hospitalité. Ils ont posé une assiette. Ils n'avaient que du vinaigre et des bouts de pain. Naam, vous imaginez? Fahimt Ami Abd Qadir. Al khalwa wal khums. Allah akbar. Ami Abd al-Qadir, c'est le walid, c'est notre père ici, fi saf al-awwal. Na'am, jazahullahu khayran. Istafadna minhu kathiran. On a beaucoup appris de lui dans de nombreux domaines. Jazahullahu khayran. Et le prophète alayhi salatu wa sallam est entré et on lui a servi donc du vinaigre et du pain. Donc il prend le pain, il trempe dans le vinaigre et il mange. Qu'est-ce qu'il dit? Yani vous avez un invité de marque et vous n'avez que ça à lui proposer. Dans quelle situation est-ce que ça vous mettra? Dans la gêne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel bon accompagnement le vinaigre. Non? Il a vanté les mérites du repas. Ainsi, il n'a pas mis dans la gêne celui qui l'a invité. Et ça, ça fait partie de quoi? Des comportements les plus imminents, les plus élevés, qui peut-être n'auraient jamais traversé l'esprit de l'un d'entre nous. Tu es invité chez une personne, elle est dans la gêne. Qu'est-ce que tu fais? Il pense que tu ne vas pas aimer. Et peut-être que, effectivement, tu n'aimes pas. Tu lui dis, ni'ma minallah azza wa jal, qu'il nous a réunis tout cela. Ne te rappelles-tu pas le hadith de un tel à cette époque, il n'avait même pas ça et ça et ça? Au final, celui qui t'invite, il pense qu'il t'a posé la meilleure soufra du monde. Il était dans la gêne, tu le mets. Yani, tu l'as tranquillisé. Ça, c'est des akhlaq qu'on doit apprendre. Donc, dans Sira, tu apprends quoi? Husn al-khuluq. Tu apprends le bon comportement. Pas comme certains, na'am, qui sont restés trop longtemps dans certains pays, qu'on ne citera pas. Na'am. Il rentre, il regarde à droite, il regarde à gauche. Il s'en faut de peu pour qu'il regarde ce qu'il y a dans le frigo. Non. Ah ben laisse amener l'adab. Quand tu rentres, tu t'analyses pas. Comment ça s'appelle quand tu sors d'un appartement? Qu'est-ce qu'ils font? L'état des lieux. On dirait qu'il fait l'état des lieux. Non. Et là, tu rentres. Il va aller par exemple dans la salle, dans la cuisine, dans une pièce. Tu rentres dans cette pièce, tu regardes pas ce qu'il y a à droite, à gauche, en haut, en bas. Ensuite, pour t'asseoir, tu attends qu'il te permette de t'asseoir. Il te dit par exemple ici ou ici. Tu t'assois. Waouh. Tu ne peux pas, par exemple, en face d'une porte où tu peux voir peut-être les familles et ainsi de suite. Tu baisses ton regard. Na'am. Tu es une bonne compagnie. Et lorsqu'il te pose quelque chose, tu ne dis pas, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Na'am. Ça, c'est des... Subhanallah, on a besoin d'un dars. Celui qui invite a besoin d'un dars. Celui qui a invité a besoin d'un dars. Et dans le Coran, malheureusement, on trouve ces enseignements dans les textes. Mais nous, on est ignorants de ces enseignements. Dans Surat An-Nur, on nous apprend à ne pas venir trop en avance quand on est invité, par exemple. Ça mettait dans la gêne le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal a blâmé cet agissement-là. Tu ne viens pas trop en avance. Na'am. Toi qui invites, tu avances vite le repas et tu lui avances devant lui, tu lui dis de manger, tu insistes. Tu poses, tu lui dis pas tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Na'am. Et certaines origines, on dirait que c'est inné en eux. Na'am. Et certains ont dépassé les limites. Et ils pensent que cette diafa, ils exagèrent. À la base, c'est pratiquement les meilleurs de ma faible expérience. Mais ils dépassent les limites au point de mal faire. Parce que la bonne invitation, c'est pas de forcer l'invité. C'est lui donner ce qu'il aimerait. Mais il va être gêné ou pudique. Alors tu vas insister ce qu'il faut pour qu'il. Mais tu lui mange, il a fini, mange, il a fini. Tu lui reposes un autre plat. Alors qu'il s'est pensé à finir le premier, ça c'est pas. Il y a un ce qui est demandé dans le deal. Tu manges devant toi, tu ne finis pas l'assiette, puis tu demandes une autre et ainsi de suite. Certains parmi les plus prédécesseurs étant invités, ils mangeaient un peu avant d'y aller, de sorte à ne pas finir la nourriture de celui qui l'a invité. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala ou d'autres est rapporté cela. C'est des comportements, à défaut de les faire, on n'a jamais pensé peut-être. Non, à défaut de le faire, peut-être on n'y a jamais pensé. Peut-être qu'il s'est endetté pour t'inviter. En lui laissant la moitié du repas, ben sa famille va manger et demain ils en auront encore. Mais est-ce que nous on va penser à ça? Non. Allah musta'an. Aussi celui qui est invité souvent et qui a une famille. Non, c'est pas peut-être sage de toujours répondre à l'invitation. Où tu emmènes la famille? Où tu emmènes la famille. Si ça, c'est un endroit de bien. Non. Donc, cette forme de commerce a été interdite. Un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les sahaba penser que l'oignon et l'ail avaient été interdits dans la religion, Bayyan al-haq fil mas'ala. Il a montré la vérité dans la mas'ala. Donc, les gens de science, lorsqu'il y a un trouble, les gens de science, lorsqu'il y a une ambiguïté, les gens de science, lorsqu'il y a une erreur, il ne leur convient pas de se taire alors qu'il y a un besoin. Mais ils doivent exposer la vérité de par la science qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordée et l'engagement qui a été pris sur eux dans le Coran. Naam, ça c'est muhim jiddan. Quant à l'ignorant, il se tait. Ou il revient aux gens de science et il fait ce qu'ils auront permis. À la suite de tout cela, donc la bataille de Khaybar, les gens du livre ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une conciliation, bien un sulh, yani de faire un traité et un pacte avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr. Ils lui ont dit, laisse-nous la terre, laisse-nous travailler la terre et tu auras une part. C'est compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la terre de Khayba, car désormais elle est aux croyants. Et il leur a dit, vous travaillez la terre et vous dépensez de vos biens pour cette terre-là et vous aurez la moitié des récoltes. Donc ils travaillent la terre et ils ont la moitié des récoltes et l'autre moitié revient de droit aux croyants. Et le pacte se limite à travailler la terre, non pas que la terre leur appartient. Donc lorsque les croyants le voudront, ils partiront de Khaybar. Et c'est ce qui a été fait à l'époque de Omar ibn Khattab radiallahu anhu pour plusieurs causes. Pour plusieurs causes. Abdullah ibn Omar a été envoyé, lui, al-Miqdad ibn al-Aswad, j'ai oublié le troisième, peut-être Zubayr, j'ai oublié le troisième. Ils sont partis à Khaybar prendre les récoltes et leurs biens, ou gérer leurs biens. Abdullah ibn Omar est parti dans un coin, le deuxième sahabi dans un coin, et le troisième dans une autre direction. Ils ont dormi. Dans la nuit, ils se sont jetés sur Abdullah ibn Omar, ils l'ont agressé. Et ils l'ont blessé. Ou l'ont... ils lui ont causé une entorse. Au poignet. Ils l'ont touché aux os ou aux muscles. J'ai oublié le terme utilisé dans le hadith. Alors il a crié. Au matin, les sahabas sont venus. Ils m'ont dit, qui est-ce qui t'a fait ça? Il a dit, je ne sais pas. Donc ils l'ont agressé. Et c'est pas étonnant de leur part. Ils sont revenus à Medina, ils ont informé Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Omar ibn Khattab radiallahu anhu est monté sur le minbar. Omar ibn Khattab radiallahu anhu est monté sur le minbar. Et il a dit aux croyants, vous avez su ce qui est arrivé à Abdullah ibn Omar radiallahu anhu. Et les gens de Khaybar, on va désormais les faire sortir. On va désormais les faire sortir. Et il a cité deux causes. La première cause, ce qu'ils ont fait à Abdullah ibn Omar, ils ont agressé les croyants. La deuxième cause, la haine qu'ils ont eue envers le Ansari. La haine qu'ils ont eue jadis envers le Ansari. Qui est ce Ansari? Et à quoi fait référence ici Omar ibn Khattab? Non. Une qissa qui a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est rapporté dans Bukhari et Muslim. Ils ont tué Sahl, ou bien Abdullah ibn Sahl. Ils ont tué Abdullah ibn Sahl, un sahabi. Ils l'ont agressé, ils l'ont assassiné. Les gens sont venus voir le prophète alayhi wa sallam et ils lui ont dit qu'ils l'ont assassiné. Les gens de Khaybar l'ont assassiné Abdullah ibn Sahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Atashhadoun, est-ce que vous témoignez de cela? Ils ont dit non, au messager d'Allah, comment est-ce qu'on pourrait témoigner alors qu'on ne l'a pas vu? Regardez le comportement de sahaba. Ils savent à 100%, tout le monde sait, mais il leur dit, vous témoignez? Ils disent non. Pourquoi? Ils disent, on n'a pas vu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils savent. tout le monde sait, mais il ne veut pas témoigner. Un sahaba n'arrive pas. Le mensonge n'est pas sur leur langue. Ils n'ont pas été éduqués sur le mensonge. Ils ne mentent pas. Ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent tomber dans des péchés. Mais le mensonge n'a pas été connu chez eux. Le mensonge n'a pas été connu chez eux, radiallahu anhu. Certains, même dans le jahiliya, n'avaient jamais menti. Ça, c'est une éducation qu'on doit avoir, nous, et donner aux autres, à nos enfants, à nos familles, en commençant par nos familles. Donc, pour ceux qui ont fait Abdullah ibn Amr, plutôt ceux qui ont fait Abdullah ibn Amr, et pour ceux qui ont fait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, donc ensuite, je continue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous témoignez. Ils ont dit, comment est-ce qu'on pourrait témoigner, on n'a pas. Il a dit, alors, vous réunissez tel nombre de gens, et ils doivent jurer tel nombre de fois. Donc, yani à la fin, lorsque le gouverneur n'arrive pas à avoir le témoignage, ni tant de personnes qui jurent, ni que les autres rejettent avec, yani en jurant, ben, lui se réserve le droit de donner. C'est lui qui donne, yani là, le dédommagement. Donc, l'affaire de Abdullah ibn Sahl, elle a été classée ainsi. Bien que tout le monde sait qui est-ce qui lui a fait cela. On poursuivra, inshallah ta'ala, certaines fawaïd la semaine prochaine. Inshallah ta'ala. Et dans deux semaines, inshallah ta'ala, on traitera d'un sujet très important. Quel est ce sujet? C'est shar'iyatu al-radd ala al-mukhalif. Le caractère légiféré de réfuter celui qui entend et celui qui fait une faute. Qu'il fasse partie des gens de l'innovation d'Ahlul Bida ou qu'il soit une personne de la Sunna. La faute, nous sommes obligés de la réfuter. Même si elle provient de la personne que tu aimes, que tu respectes, même de ton cher. Naam. La faute, c'est une faute, on doit yani dire que c'est une faute. Quant au rang de la personne, on regarde. S'il fait partie de l'Ahlus Sunnah, son rang il est préservé, sa noblesse elle ne tombe pas parce qu'il a fait une faute. Il est sujet à la faute. Kulubani Adam Khatta. Quant à la personne de la bid'a, on ne la fait même pas tomber, elle est tombée de par sa bid'a. Voilà karam. Donc on réfute sa faute, comme il convient de le faire pour son haut statut qu'il n'a pas. Et la bassesse qu'il a choisie pour lui-même. Naam. Du fait que certains min ikhwanina, min ahli sunna, ils trouvent une gêne à entendre des roudoutes. Ça, c'est une réalité. Ils trouvent une gêne à entendre des réfutations. Et il y a plusieurs causes. La première cause, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance de l'islam. L'ignorance de la voie authentique. C'est qu'il y a une partie qui est al-rudud, les réfutations. Et on exposera cela, inshallah ta'ala, en détail, en prenant ce qu'ont fait les savants avant nous. On ne va rien innover. La deuxième cause, après l'ignorance, c'est quoi? C'est que certaines personnes ont réfuté, mais sans justice et sans science. Donc avec ignorance et transgression. De là, tout naturellement, l'homme n'aime pas entendre. Parce qu'il y a des insultes, ou il y a du mensonge, ou il y a. Quant à la réfutation qui est faite avec justesse, avec science, et avec justice et équité, ça, c'est une action avec laquelle, ou par laquelle tu te rapproches d'Allah. Par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur livre de Roudou, c'est le Coran. Le meilleur livre de réfutation, c'est le Coran. Lis le Coran et médite. Dans le Fatiha. Roudoud à ceux qui savent et n'appliquent pas. Roudoud à ceux qui sont ignorants et ils agissent sans science. Ça, là. Et l'éloge de ceux qui ont su et ont appliqué. Akan. Ghayr amada. Ghayr al-maghdoubi alayhim wa ad-dallin. Ça, c'est un jarh. C'est une critique et semblable, et c'est une mise en garde. Non. Tu prends le Baqara. Tu prends les deux premières pages de le Baqara. les éloges des croyants. Ensuite, la critique de ceux qui n'ont pas montré l'islam, ni intérieurement, ni extérieurement. Et ensuite, un long détail de la critique de ceux qui ont caché al-kufr et ont fait apparaître l'islam, ce qu'on appelle al-munafiq. Ça, c'est dans le Coran. Non. Le fait de réfuter, c'est pas la méthodologie de un tel parmi les savants ou un tel, comme Cheikh Mokbil ou Cheikh Rabi ou Cheikh Salah, Fawzan ou autre. Non. C'est l'islam. C'est l'islam. Tout simplement. Si ce n'est que certains savants sont plus versés dans certains domaines. Tout comme certains savants se sont démarqués dans la mémorisation du hadith, d'autres dans le tajwid, d'autres. Et ainsi de suite. Il n'y a aucun mal après avoir pris les bases obligatoires à se spécialiser dans un domaine. C'est bien connu chez Sahaba radiallahu anhu. Et tu prends le Coran et tu lis. Naam, lis al-Tawba, une mise en garde, un dévoilement des hypocrites, caractéristique après caractéristique, caractéristique après caractéristique. Wa minhum. Jusqu'à arriver à la fin du Coran. Le Coran finit par quoi? Une mise en garde. Allahu Akbar. Le Coran, la première page, il y a une mise en garde. Le Coran est fini par quoi? Par un rad et une mise en garde. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Le Coran est fini par une mise en garde. Comment après toi tu dis moi j'aime pas les mises en garde? Non, il y a certaines mises en garde qui ne sont pas justes et scientifiques. Naam, c'est une réalité. On est éprouvé par cela. Et on est éprouvé par cela. Qu'Allah nous oriente. Mais de là à blâmer une vérité parce que les gens ont fait du faux, non. De là à blâmer une vérité parce que des gens sont tombés dans le faux, c'est une erreur de ta part. Tu dois plutôt exposer ce problème à ceux qui savent et eux vont le corriger, corriger ces gens-là, conseiller ces gens-là, mais que ça ne te pousse pas à délaisser la vérité. Comme l'ont fait certaines personnes qui avaient des ambiguïtés ou des faiblesses dans la sunna. En voyant des défauts chez leurs frères de l'Ahlul Sunnah, ils sont partis se terrer chez Ahlul Bid'ah. Allah Musta'an. C'est mieux que tu restes avec ton frère min Ahlul Sunnah et que tu subisses ses mauvais comportements pendant 50 ans que tu ailles chez Ahlul Bid'ah une semaine et que tu perds ta Sunnah. Allah Musta'an. Non? Donc, Inch'Allah Ta'ala, prochainement, probablement dans 2 semaines ou 3, on va traiter ce sujet Inch'Allah Ta'ala en détail. Et c'est un sujet très très très important, car des gens de la Sunna, je ne parle même pas des autres, peinent à accepter ce domaine-là et ce sujet-là. Et on a cité certaines causes. Wallahu a'lam wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillah.